Merry Christmas! Londres, Waterloo Station, 16 décembre 1977. Faustine essaye de reconnaître Simon Entier. Venue passer un mois dans sa famille en tant que jeune fille au père, elle a rendez-vous sous la célèbre horloge quatre faces. Ce matin, après un petit déjeuner consistant, elle a quitté ses compagnons de route parisiens. Véronique, la jolie maghrébine, future banquière, François, l'apprenti conducteur de train, et Charles, avocat en devenir. Ils se sont tous embrassés en promettant de se revoir à Paris un jour. Faustine, digérant ses buns, a trotté jusqu'à l'immense gare. Elle est à l'heure. Simon aussi, qui la repère en premier. Blond roux, souriant, bonhomme, il n'est pas beaucoup plus grand qu'elle. Ils échangent une solide poignée de main, puis il attrape la valise de la demoiselle et se dirige vers la sortie. Difficile de se frayer un passage dans une foule aussi compacte. Heureusement, les rondeurs de Simon créent un sillage conséquent et pratique. Sa voiture, une fourgonnette de service, est garée en double fil. Le flic n'a pas le temps de leur coller une contravention qu'ils ont déjà démarrée. Bientôt, ils traversent les faubourgs de Londres, direction plein est, vers la mer. Londres est une ville incroyablement étendue. Ils ont à peine parcouru quelques kilomètres dans la campagne que déjà se profilent les premières villas de Southend-on-Sea. C'est une charmante station touristique située à la fois sur l'embouchure de la Tamise et vers la mer du Nord. Un peu somnolente en hiver, cependant, commande Simon, quand le parc d'attractions est fermé, le ponton désert et qu'il ne reste plus que le Sporting Club réservé aux membres payants, dont heureusement il fait partie. Simon Antil dépose Faustine devant une ravissante maison mitoyenne typiquement british. Toutes ces demeures jumelées mais dissemblables, chacune conservant son originalité, répondent à l'incoercible individualisme anglais. Faustine ne se lasse pas d'admirer ces rues, bordées de chaque côté par des architectures de maisons de poupées. Elle aime particulièrement les fenêtres en rotonde, parfois surmontées de tourelles, qui leur donnent des allures de petits châteaux. Comme ça doit être romantique, une pièce ronde. Tout de suite, on imagine le feu de cheminée et le chat qui ronronne. Comme toujours, elle s'interroge sur les habitants. Elle donnerait volontiers 10 ans de sa vie pour être une petite souris ou une mouche. Ah, pouvoir observer en toute discrétion. À l'idée que seul 1/10 de la capacité de son cerveau est utilisée, et encore, que la télépathie existe mais reste hors de sa portée, alors que ce serait si pratique, Faustine se sent frustrée. Son rêve le plus cher, avoir la capacité d'absorber le contenu d'un livre en quelques secondes, simplement en fixant la couverture ou en faisant défiler les pages. Peut-être que la science fera quelques avancées dans ce domaine de son vivant, qui sait. Quelques mètres plus loin, Rachel Entil, jolie blonde, presque aussi accorte que son mari, accueille la nouvelle fille au père sur le pas de la porte, avec un grand sourire. Après avoir déposé un baiser sur la joue de Simon, qui fonce vendre ses hot-dogs au stade, elle présente David et Gabriel, leurs deux garçons de 6 et 8 ans. Enfin, elle demande à la jeune femme de monter sa valise à l'étage sans s'attarder s'il veut trouver encore de la place au Fish and Chips Restaurant. Assise à la table en formica rouge face à la mer, Faustine observe les autochtones de tous ses yeux. Elle ne sait plus où donner de la tête. Depuis le travailleur en marcel jusqu'au fonctionnaire coiffé d'un melon, en passant par la gorgone hirsute ou la lady gantée de blanc, le spectacle est édifiant. Son poisson et ses frites, épaisses et grasses couronnées de beignets d'oignons, valent le déplacement. Les sauces inimitables qui accompagnent le tout lui rappelle sa Belgique bien-aimée. Il n'y a pas à dire, ces Anglais s'y connaissent en friture. Sur le chemin du retour à la maison, Rachel manifeste sa surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Faustine s'exprime aussi bien en anglais. Celle-ci évoque succinctement son parcours scolaire, en Suisse, en Belgique, Suisse-Allemande et France. Elle parle aussi de Nicole, son amie anglaise. En tous les cas, pour l'une comme pour l'autre, le séjour promet d'être instructif. En début d'après-midi, Rachel promène Faustine dans la maison. Le salon en rotonde, inutilisé parce que beaucoup trop cher à chauffer, s'avère décevant. Il est rempli de cartons et de meubles au rebut. la famille préfère l'autre living room équipé d'une cheminée fonctionnelle. Il donne sur le jardin et jouxte la cuisine. À l'étage se trouvent les chambres à coucher. Celle de Faustine, très jolie, donne sur la rue. La chambre des garçons a vue sur un petit jardin pourvu d'un gazon mité et sur la cour des voisins. Un couple d'homosexuels absolument adorable, chuchote Rachel en vérifiant que ses fils n'écoutent pas. Cela fait 10 ans déjà que l'homosexualité n'est plus illégale en Grande-Bretagne, mais on dirait que ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Elle fait remarquer à Faustine que le quartier est tranquille et bien surveillé. Elle rit. L'année dernière, sortis pour le réveillon, ils ont bien trop bu. Quand ils ont voulu rentrer, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié leurs clés. La fille au père d'alors dormait à poing fermé et n'a jamais répondu à leurs appels. C'est ainsi que Rachel, en robe du soir et talons aiguilles, a escaladé la grille pour tenter de pénétrer chez elle par effraction. Manifestement, Simon n'était pas en état de l'aider. Une voiture de police s'est arrêtée. On leur a demandé leurs papiers et comme ils ne les avaient pas sur eux, on les a emmenés au poste. Quelle aventure ! Elle en rit encore. Les jours suivants, on s'installe dans la routine. Faustine veille sur les enfants 3 ou 4 soirs par semaine pendant que les parents rencontrent leurs amis ou sortent en amoureux. Les enfants se couchent très tôt, si bien que Faustine passe ses soirées devant la télévision. Sur une chaîne formidable, des comédies musicales sont proposées les unes après les autres. Cette année, c'est le cycle Barbra Streisand. Il n'est pas nécessaire d'être championne d'anglais pour apprécier Funny Girl ou Funny Lady. Si bien que Faustine apprécie chaque note jusqu'à la fin des programmes de nuit. Les Huntills sont rentrés depuis longtemps quand elle va se coucher. Au matin, elle ne se réveille que lorsque le petit David glisse sous sa porte le courrier du jour. Une lettre de Maxime qu'elle découvre avec sa première cigarette. Elle a été ravie de constater dès le premier jour que ses hôtes sont fumeurs. Puis elle descend boire le café que Rachel lui a préparé. Les deux femmes discutent un moment. Ensuite, la maîtresse de maison va faire ses courses ou remplir l'une ou l'autre tâche administrative qu'elle ne peut accomplir en période scolaire. Faustine, habituée à travailler toujours, s'ennuie. Les garçons ont leur jeu et n'ont pas besoin d'elle. De plus, elle les voit relativement peu. S'ils ne sont pas dans leur chambre, ils sortent avec leurs parents. Alors, Faustine fait ce qu'elle aime et qui la rassure depuis toujours. Elle range. Elle vide les tablards et étagères de la cuisine, nettoie et remet tout en ordre. Ils en avaient bien besoin. Quand Rachel rentre et voit ça, elle se montre à la fois ravie et confuse. C'est trop! Ce n'était pas dans le contrat. Aussi, la prochaine fois qu'elle va faire ses courses, elle rapporte une immense boîte de Quality Street à la jeune fille, qui, persévérant dans ses rangements, se voit remerciée avec une nouvelle boîte de chocolat, et ainsi de suite pendant tout son séjour. À midi, Rachel prépare le repas. Mais ces gens bizarres ne mangent pas en famille comme chez Faustine. Les garçons grignotent un sandwich. Simon est absent la plupart du temps, le soir aussi, et Rachel ne déjeune jamais. Faustine se retrouve donc seule devant la télévision à ingurgiter un toast aux spaghettis ou aux haricots blancs, sauce tomate. Elle met du temps à s'habituer, mais si elle a suffisamment faim, ça passe. Il arrive que le menu varie avec un club sandwich au bacon frit, salade et œufs mollets. Une pure merveille. Non, vraiment, la nourriture n'est pas la préoccupation première en Grande-Bretagne. L'unique tentative de Faustine pour varier les menus, un rösti, pommes de terre râpées, oignons et lardons cuits à la poêle comme une grosse galette, a été accueillie avec de telles mines de dégoût qu'elle a préféré ne pas insister. Un matin, Rachel signale à Faustine qu'il y a d'autres filles ou pères, françaises ou belges, à Southend. Lui plairait-il d'en rencontrer? De faire les magasins ou d'aller danser avec elle, par exemple? Et pourquoi pas? Quelques appels téléphoniques plus tard, la rencontre est organisée dans un tea-room des environs. À la différence de Faustine, qui n'est là que pour garder les enfants ponctuellement pendant un mois On échange du gîte et du couvert. Les autres sont engagés pour l'année entière et reçoivent un salaire. Les jeunes filles ne tardent pas à sympathiser. Elles se revoient chaque semaine, s'amusent à tailler des costards sur mesure à leurs employeuses respectives, sans oublier de se plaindre des enfants ou des maris. Par chance, il est très facile ici de changer de place si on n'a pas d'atome crochu avec la patronne, ce qui est rare, avouons-le. Néanmoins, certaines filles en sont à leur troisième place, sans que Faustine puisse déterminer à qui la faute incombe. However, on rit, on boit de la bière, on se promène sur le ponton du bord de mer en mangeant des glaces et on promet de se revoir pour faire les boutiques, bien que pour ça, Faustine préfère être seule. Surtout, un samedi soir, on ira danser. Justement, il y a un super nightclub qui vient d'ouvrir pas très loin d'ici. Une soirée pizza dancing est organisée autour de Noël et nos demoiselles, sur leur 31, sont prêtes à chasser le roast beef, jeunes et beaux de préférence. Peu au fait des us et coutumes indigènes, elles ont tout faux d'emblée. Arrivées en tout début de raout sur les lieux du plaisir, il leur faudra patienter 2 bonnes heures avant la venue du gibier. Qu'à cela ne tienne. Profitant d'avoir toute la place disponible, Faustine et ses amis dansent, s'en donnant à corps joie. Le whisky et la bière coulent à flot, on se désinhibe à qui mieux mieux. Enfin, l'agent masculine paraît. La fête peut commencer. Las. Tandis que les premières notes fusent, les garçons restent soudés au bar. Les Anglaises, toutes sans exception, envahissent la piste. Une armada de femelles s'agite dans tous les sens en pleine pamoison narcissique. Les mâles voudraient les rejoindre qu'il n'y aurait plus de place pour eux. Ils sont vraiment uniques, ces British. Et bien sûr, éducation européenne oblige. Ça ne suffit pas d'aller les chercher, ce serait trop shocking. En masse compacte, accrochés à leur pinte d'ale, ils ont beau mater discrètement dans leur direction, impossible de capter un seul regard. Il manque là une dimension, un jeu de code, inaccessible à la Suissesse qu'elle est. Écœurée, Faustine jette l'éponge et appelle un taxi. De son séjour chez les Hunty, elle gardera la vision de Simon, penché sur la table basse du salon, occupé à compter l'argent de sa recette le soir de Noël. Ça lui rappellera Oliver Twist. Elle fera également l'expérience du Sporting Club de Southend, piscine et activités nautiques où tout le monde se presse dans un espace si restreint, si chloré, qu'elle en sera incommodée pendant plusieurs jours. Elle aura appris en outre que les Juifs ne fêtent pas Noël et que, par conséquent, les cadeaux qu'elle avait soigneusement choisis pour les garçons ne seront pas déposés sous le sapin inexistant. La dinde farcie, le mouton sauce à la menthe ainsi que le plum pudding qu'elle se réjouissait de goûter et qu'elle apprendra à confectionner dans 20 ans ne sont pas non plus au rendez-vous. Pour tout cela et plus encore, elle se rattrapera un jour, n'en doutons pas. Par contre, en cette période de fête, il se donne à Londres des spectacles musicaux dont les Antilles, comme beaucoup d'Anglais, sont friands. Simon a invité toute la petite famille, Faustine incluse, à la comédie musicale 42nd Street, jouée dans le West End, le Broadway londonien. Mais avant cela, comme chaque année, ils iront prendre le thé chez Fortnum & Mason. C'est la première fois de sa vie que Faustine pénètre dans un endroit aussi luxueux. Après l'incontournable visite du magasin, le quintet s'installe au restaurant. Faustine est éblouie. Elle peut enfin goûter au véritable tea time anglais. Les sandwichs au concombre, les scones à la clotted cream ou au lemon curd, ainsi que des dizaines d'autres amuse-bouches extraordinaires sont proposés à la dégustation, accompagnés d'un délicieux lapsang souchong, ce même thé fumé délicat que papa prépare à la maison quand il cuisine sa fondue. Un plateau de dessert gigantesque complète et clôt agréablement ce festin. La comédie musicale qui suit subjugue Faustine. Elle est à fond dans le rythme et l'action et semble-t-il le public aussi qui réagit bruyamment, applaudissant à tout bout de champ, alors qu'il s'agit d'un film. Il règne une ambiance incroyablement festive qui fait oublier qu'on n'a pas le droit de fumer à cause des enfants présents. Et le temps passe à une vitesse folle, juste pour son édification personnelle. Faustine viendra vérifier un jour la légende des cigarettes autorisées dans les cinémas anglais. Mais ce jour-là, la puanteur infecte, tout comme le rideau de fumée opaque dû à une ventilation approximative, la découteront à jamais de la tabagie en circuit confiné. Le premier de l'an, comme chaque année, Rachel et Simon sortent, non sans laisser à Faustine une grosse provision de friandises consolatrices et le libre accès au téléphone. La jeune femme en profitera allègrement entre deux épisodes du Benny Hill Show. Le 10 janvier, le séjour de Faustine tire à sa fin. Dans quelques jours, elle quittera les Antilles pour rejoindre Maxime à Heathrow, mettant à profit les moments de loisirs qui lui restent. Elle arpente les grands magasins en quête de l'imperméable Burberry de ses rêves. Elle finit par le dénicher soldé dans une grande enseigne. Entre encore deux pots de marmelade d'orange amère et une boîte de bird custards à trouver pour sa mère, et elle aura rempli sa mission. La veille de son départ, à sa grande surprise, Faustine reçoit de magnifiques œuvres d'art de la part de David et Gabriel. Ils se sont donné la peine de lui faire de jolis dessins au crayon de couleur. Pour la remercier de s'être si peu occupée d'eux, Faustine humblement comprend qu'elle les avait méjugés, certains traumatismes datant de ses années d'école ayant la peau dure. Elle traîne encore une crainte viscérale des enfants, surtout quand ils sont en groupe, qui l'empêche d'aller vers eux. Chaque fois qu'elle aperçoit une bande d'adolescents au loin, elle panique et change de trottoir. Dans le cas présent, elle est vraiment émue par la gentillesse des petits Antil. Finalement, elle gardera un excellent souvenir de son passage à Southend.